Une histoire particulière. Elle est vraiment particulière, l'histoire de ce week-end, car elle reste un mystère, une affaire non résolue, une énigme. Un homme est mort, et pas n'importe qui. Une plaque tournante du showbiz, un homme à star. Star du monde du cinéma, avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Jean-Paul Belmondo, qui l'ont fréquenté, entre autres, et monde de l'édition. Rien ne semble expliquer ni justifier sa mort. Rien. Et même ses collaborateurs diront de lui qu'il a quitté son bureau, très calmement et normalement, en disant à demain. Stéphane Bonnefoy et Annabelle Brouard remontent le temps pour nous faire revivre la bien étrange affaire Les Bovici. Je te rencontre. Tu vois ce que je t'ai dit? Je me souviens de toi. Tu frappes le type, il est pas content. Cette ville t'est faite à la taille de l'amour. Dis donc, comment on dit petit con dans sa langue? Quoi? Allez, dépêche-toi maintenant, viens. Je ne vois pas forcément une contradiction entre une maison d'édition et le cinéma. Si vous prenez le Guignolo et si vous prenez l'Estance pour la mort de mon père de Georges Meinrich, on se dit en effet c'est le grand écart. Mais on peut aimer les deux. Il révélait l'intelligence avec une forme d'attitude un peu bourrue qui correspondait bien à son personnage et à ce qu'on a appelé le mystère de son personnage. Il disait « Mon nom sur une carte de visite, c'est déjà beaucoup ». Gérard n'a jamais voulu être au devant de la scène. D'ailleurs, ses photos sont rares, ses interviews aussi. Il pensait que c'était les artistes qu'on mettait en avant. Le mystère Les Bovici. Il n'y a aucun entretien même de lui. Aucun. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Annabelle Brouard. Première partie, une vie à l'ombre des projecteurs. Sur le quai d'une gare, la gare de l'Est, je vois ce type arriver et sa dégaine, je m'en souviendrai toujours. Moi, je crois au charme des êtres humains et il y avait du charme chez lui. Il y avait une dégaine d'acteur et d'acteur américain avec un Burberry's, imperméable qui faisait rêver les pauvres, le pauvre que j'étais puisque ça coûtait assez cher, mais qui avait ce côté froissé. Gérard Guigan. L'apanage des gens élégants, un chapeau, cette démarche chaloupée. Un côté Sidney Pollack, je savais qu'il existait puisqu'il était l'amant d'une jeune femme avec laquelle je travaillais, qui faisait un travail de documentation sur un livre que j'écrivais. Et dans le train qui nous ramenait, j'ai appris que Gérard Les Bovici, son Gérard, viendrait la chercher sur le quai, que ce serait une occasion de le rencontrer parce que, disait-elle, l'édition l'intéresse. Voilà, donc il est arrivé et on s'est mis à parler tout à fait naturellement, descendant le quai jusqu'à la sortie de la gare où il avait sa voiture. Et ses idées à lui, c'était quand même une gauche libérale, mendésiste, il était mendésiste, il ne me l'a pas caché. Donc on a parlé de tout et de rien, et j'ai vu sa bibliothèque, c'est toujours très important de voir la bibliothèque, c'est-à-dire c'était vraiment Pléiade, c'était cuir, c'était plein cuir vert, c'était une bibliothèque d'honnête homme, comme on pourrait dire, il y avait les titres qu'il fallait. Je lui ai dit, voilà, j'ai envie de faire un livre sur les trois colonels rouges, ouais, c'est bien ça, tout ça, mais évidemment, c'était pour lui, je voyais bien, ça lui plaisait, mais il n'était pas encore dans l'état d'esprit de l'homme qui est prêt à mettre de l'argent dans une maison d'édition. Il voulait rien créer. Voilà comment ça s'est passé. Ça, c'était le début. Et on ne s'est pas revu avant 68, l'année suivante. En ce qui concerne Gérard Les Bovici, il avait eu une enfance dramatique au moment de la guerre, dont il parlait peu, voire jamais, et en tout cas à très peu de monde. Marie-Christine de Montbrial. Le drame de son enfance a été révélé après l'assassinat, parce qu'à ce moment-là, tout le monde a fouillé, tout le monde a trouvé. Il ne voulait pas parler. Il s'en abstenait, et manifestement, c'était une souffrance. Jean-Louis Livy. Sa mère a disparu dans des conditions terribles. Et il ne voulait pas s'attendrir sur lui-même. Il était d'une famille bourgeoise et au moment de la guerre, ils étaient recherchés, mais ils étaient juifs et ils n'étaient pas pressés de partir. Son père avait une certaine confiance, se sentait français. Et donc, ils se sont tout de même cachés un peu Et son père était caché chez des voisins et sa mère a été arrêtée sous les yeux de ses enfants alors que son mari était dans l'immeuble caché. Ils n'ont jamais revu leur mère qui est partie sous leurs yeux, Gérard Lebovici et sa sœur. Et ensuite, quand la guerre a été terminée, Gérard Lebovici disait que son père ne s'était jamais vraiment remis. Il disait « Mon père est mort de chagrin ». Quand j'ai connu Gérard, il avait donc un tuteur qui était un oncle et il habitait dans l'appartement de ses parents, rue de la Trémoille, avec sa sœur. Serge Rousseau, Archivina, 2004. Son père lui avait laissé une petite affaire de poils de brosse, enfin qui étaient des petites industries qui se trouvent près de Beauvais. Il a repris ça, pour, je pense aussi pour gagner sa vie. Ça s'est mis à très très très bien marcher parce que c'était un homme d'affaires remarquable aussi. Voilà. L'ayant rencontré des années et des années après, je sais ce qu'en ont dit ses amis de l'époque. Il avait envie d'être comédien et je sais aussi ce que lui disait des comédiens. Il disait que c'était le métier le plus difficile du monde. Il disait, si vous allez mourir si vous ne faites pas ce métier-là, faites-le, parce que c'est extrêmement difficile. Il aimait le talent des autres. C'était un comédien tout à fait remarquable. Pour entrer au conservatoire, il jouait Auguste de Cinna, pour vous montrer que c'était un emploi très très très fort. Et au cours, il était considéré comme un des meilleurs élèves du cours. Non, c'était quelqu'un pour qui, quelque part, les gens ne se posaient pas de questions en tant que comédien. Simplement, bon, il y a le problème du temps, il faut la patience, quoi. Et ça, je suis pas sûr que c'est une chose qu'il a fait réellement. Et un jour, Claude Berry, qui était aussi avec nous au cours Simon, m'appelle et je dis à Gérard, tu viens, il y a Claude Berry qui m'invite à venir voir la pièce. Gérard me dit oui. Et dans la salle, il y avait aussi quelqu'un qu'on avait connu au cours Simon, qui était Michel Méritz. Et à la fin de la présentation, Claude Berry, qui est toujours plein d'idées, qu'on avait 10 par jour, il dit, mais toi qui connais bien les comédiens, est-ce que tu voudrais pas ça serait bien que tu deviennes agent. Gérard dit, oui, faut que je réfléchisse, tout ça. Puis ils se sont reparlés, et un jour, ils ont pris la décision de créer une agence. Entre le chagrin et le néant, je choisis le chagrin. Et toi, tu choisirais quoi? Le chagrin, c'est idiot. Je choisis le néant. C'est pas mieux. Mais le chagrin, c'est un compromis. Tout ou rien. Les gens que Michel connaissait, qui à l'époque étaient inconnus, c'était Godard, c'était Truffaut, c'était Rivette, c'était toute la nouvelle vague. Et elle a eu cette chance extraordinaire. Elle a fait donc le film de Chabrol en tant que comédienne, qui était Le Beau Serge. Et à ce moment-là, je crois que c'était Philippe de Broca qui était assistant de Chabrol. Il préparait un film qui s'appelait Les Jeux de l'amour. Et Les Jeux de l'amour, il n'arrivait pas à trouver son personnage. Et un jour, elle lui dit, moi, je connais un comédien formidable qui serait exactement le personnage, c'est Jean-Pierre Cassel. Et Jean-Pierre a fait le rôle. Et dans les projections privées, ça avait autant de succès qu'à bout de souffle, ça a été formidable. Et Gérard et Michel lui ont dit, mais est-ce que tu accepterais qu'on s'occupe de toi? Jean-Pierre a dit, bah oui, j'accepte. Alors, ce qui fait qu'avec Jean-Pierre Cassel, ils ont tout de suite eu un élément qui leur a permis d'aborder les producteurs. Et en l'espace de 10 ans, qu'on a pris l'appellation Art Média, ça s'est installé rue Marbeuf. Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements universitaires puis sociaux. Le 24 mai, le soir de la grande manif, nous sommes tous des juifs allemands et la tentative d'incendier la Bourse des Valeurs, au lieu de rentrer sur le Quartier Latin, on se retrouve du côté de l'île Saint-Louis. Boum, rue Saint-Louis en Lille, on tombe sur Gérard Lebovici et Floriana. Donc lui, ah ouais, formidable, hein, vous êtes là, tout ça, etc., etc. Mais on restait là, vous avez mangé, il était 10h du soir. Bah, on dit non, mais attends, on va se débrouiller. Alors il avait un chauffeur. Donc, c'est une scène finalement très pasolinienne pour moi, parce que c'est le bourgeois attrapé par le désir contestataire. Donc il est là avec son chauffeur et il l'envoie chez Fauchon. Et alors il faut voir, moi mes copains, c'est des jeunes lycéens techniques du banlieue, tout ça, ils ont entre 15 et 17 ans, hein. Et il va dire, mais attends, c'est qui, c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on fait là? On le casse, lui, et tout ça. Et alors, donc, on monte au troisième étage, et là, arrive la bouffe, et les mecs bouffent, ils sont très contents, ils ont jamais vu ça, ils vont manger des choses qu'ils ont jamais mangées. Une ambiance très curieuse, et là, il me prend à part, et c'est la fameuse phrase, parce que celle-là, elle m'a frappé, alors, vous savez que ce soir, Gallimard est mort. Et sur le moment, je pense à Gallimard, personne physique. Et je dis, mort? Et il me dit, oui, non, la maison d'édition est morte, c'est fini, l'édition ne se fera plus jamais comme Gallimard la faisait. Bref, on se met à parler d'édition. Il me dit, il faut réfléchir, il faut monter quelque chose, tout ça, etc., etc. Et il me dit, par exemple, ce serait formidable si Mauriac faisait un livre sur les barricades. Mais moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Si vous m'aviez dit Blondin encore, peut-être, mais Mauriac, elle est... Non, on a besoin de personne pour écrire sur les barricades. C'est pas comme ça qu'il faut concevoir l'édition. C'est le point de vue de l'homme de la base. En tout cas, c'était notre idée. Voilà. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Nous, agents, arrive mai 68, nous n'existions plus. Du jour au lendemain, il y avait cette volonté de changer le monde, et donc les agents n'existaient plus. Les films sont arrêtés, on ne se fait pas. Et là, extraordinaire, Gérard rit. Il s'amuse. Et ça l'excite. Cela lui a été profondément une réflexion politique qui l'a amené à créer Champ Libre et à éditer ce qu'il a édité. La Société du Spectacle, les Habits Neufs du président Mao, y compris Sans Igmu de Renaud Séchant, Philippe Cadic. Ouais, moi je trouve ça admirable, quoi. Quelqu'un qui a pris conscience aussi du monde dans lequel il vivait, qui voulait aussi le contester. On va faire deux réunions dans un bistrot de la Bastille qui s'appelle le Tambour de la Bastille, au premier étage, et ça a été une assemblée générale comme jamais je n'en ai vu, aussi bordélique que ça. Ça partait dans tous les sens, et en même temps c'était complètement génial. Et les Bovici étaient là, en tant que témoins. Et ils sortaient de là, ils étaient effondrés en même temps, ébouriffés et effondrés. C'est-à-dire, ils disaient, oh, putain, oui, quelle énergie. Mais en même temps, ils me disaient, mais c'est fini, là, qu'est-ce qu'on fait, là? On va pas faire ça, on peut pas faire ça. Et moi, je me suis dit, il faut un minimum d'organisation. Sauf que quand on a abordé ça, lui était, il avait comme toujours Gérard des amis, et un ami était Georges Semprin, qui à mes yeux était le type même du militant communiste qui sortait du parti mais à droite, alors que nous on était sortis à gauche, comme on disait. Et donc, il me dit, j'aimerais bien que Georges en fasse partie. Moi, a priori, je dis, bon, bah, écoute, toutes les volontés sont intéressantes, pourquoi pas, bon. Mais quand il va amener ses copains, Georges Semprin, ses copains, c'est tout ce que je ne supportais pas dans l'édition. J'ai voulu me retirer, j'ai dit, bon, je ferai pas ça avec des gens avec lesquels je partage pas, je dirais, les mêmes ambitions. Donc, ça a duré. Mais voilà, donc on est en avril 69. Pour ce qui est des projets, à partir du moment où Gérard est d'accord pour qu'on fasse Champ Libre, il discute pas, il avance l'argent, alors que on n'a pas de bureau, on n'a rien, hein, c'est dans l'air, comme on dit. Lui, il disait, on peut se voir tout le temps dans les bistrots, dans les cafés, c'est très bien d'ailleurs. Et parce qu'il adorait ça, quitter le monde des Champs-Élysées, c'était toujours dans le 11e, 12e, 13e, rue de la Roquette, on a fait des tas de réunions, ça lui plaisait, ça le changeait. Bref, jouer un rôle actif, mais sans en être. Gérard Le Bovici a apporté en France une liberté aux artistes en leur donnant accès à la propriété de ce qu'ils faisaient. Au lieu d'être des salariés, des gens qui dépendaient du producteur et qui avaient une rémunération sur le film, il en a fait des partenaires du film. Il les a rendus coproducteurs beaucoup plus responsables de leurs choix. Voilà, c'est quand même une sacrée révolution. Avec le début aussi de la Nouvelle Vague. Alors, la Nouvelle Vague, c'était sa jeunesse. ils avaient tous le même âge, ils ont tous commencé en même temps, tous les Chabrol, tous les Truffaut, Godard, bon. Ils partaient de zéro, ils ont monté ensemble. Ils sont montés ensemble dans ce sens qu'en ayant du succès ensemble, il les a aidés à faire de meilleurs contrats, il les a parfois aidés dans leur inspiration, il les a soutenus. Eh bien, il avait son pourcentage et puis il avait ses parts dans toute cette action. Donc il avait son plaisir et son argent. Et Art Media était vraiment l'agence européenne qui comptait. Quand je suis entré dans le cinéma, lui était déjà bien implanté. C'était déjà devenu une entreprise tout à fait dominante dans le secteur. Daniel Toscan-Duplantier, Archive INA, 1995. Et qu'en particulier, il avait mis sur pied un espèce de système de... qui s'incarnait à cette époque-là autour de Jean-Paul Belmondo, où la star était à la fois le producteur et peu à peu le distributeur. Et il avait créé un espèce de système intégré qui d'ailleurs le mettait en conflit avec les entreprises de production et de distribution. Et comme à l'époque j'étais à la tête d'une d'entre elles, la première, ben on s'est trouvé en conflit objectif, je veux dire. Et c'est vrai que c'était en soi pas normal que quelqu'un qui représente une majorité des grands acteurs français puisse être lui-même producteur-distributeur de ses comédiens qu'il doit proposer au marché. Toscan voyait dans Gérard Lebovici une sorte d'ombre mafieuse qui cherchait à faire du mal à Gaumont, bon, en imposant des contrats qui n'étaient pas bien, etc. Parce qu'il était, Gérard Lebovici, quand même très fort, donc il y avait une méfiance. Gérard Lebovici, il riait en parlant de Toscan. Pourquoi ? Parce qu'il disait, avec une pirouette, bah, écoutez, moi aussi, si on me donne la fortune Seydoux, je peux faire tous les films que je veux. Mais cette espèce d'hostilité entre les deux était une hostilité quand même fascinée de la part de Toscan, il faut bien le dire, parce que ce n'était pas possible. Et puis, Toscan était bien content que Gérard Lebovici lui apporte les films de Truffaut et de René, qui ont été des très grands succès. Donc, et Toscan savait très bien que Truffaut n'aurait pas mis les pieds chez Gaumont si ce n'était pas Lebovici qui avait apporté le projet. Donc, vous voyez, il y avait quand même, là encore, des contradictions. J'en suis déjà sorti. Et situation aussi difficile. Quand j'ai inventé les bons de Bayonne, ça n'allait pas fort. Les bons de Bayonne, monsieur Alexandre. Je n'ai pas encore compris. C'est enfantin. On dédoublait les bons. Il y avait un bon réel de 100 francs, par exemple. Et un autre bon sous le même numéro, dûment signé et tamponné. Une valeur qu'on décidait. 20 000 francs, 100 mines, 1 million. En somme, on battait monnaie. L'État, c'était moi. Moi, j'envisageais vraiment pas d'être producteur. Et là, il m'a dit, bon, bah, fais-les une fois. Et je l'ai fait une fois avec Dr Popol de Claude Chabrol. Jean-Paul Belmondo. Archive INA, 1995. C'était un succès et après, je n'ai plus arrêté qu'à depuis à être producteur. Il savait aussi faire les rencontres inattendues. Par exemple, bon, moi, à l'époque, je jouais ou je sortais de Borsalino ou je ne sais plus quoi, de me faire une rencontre avec Alain René et qui a donné qu'on a fait... Stavisky, que j'ai produit entièrement. Il y a aussi des rencontres avec François Truffaut pour faire La Sirène du Mississippi. Si vous voulez, c'était faire des rencontres inattendues, finalement. Bon, c'est casser pas... un peu l'image. Voilà, casser un peu l'image. Voilà. Et casser l'image dans les deux sens, finalement. C'est de convaincre aussi René de dire, bon, on va prendre un type populaire qui joue des héros, disons, à la Zorro, entre guillemets, si on veut, et puis moi, de me convaincre d'aller tourner avec René. Et ça, je crois que c'était une force. Et en ça, il était plus qu'un agent, finalement. Il était déjà un producteur. D'un côté, comme homme d'affaires, il était d'un cynisme sans limite. Je veux dire, Jean-Paul Belmondo venait d'un bout de souffle, avec une carrière extraordinaire. Et c'est vrai que ce que lui-même appelle aujourd'hui les films cascades sont nés de cette collaboration. Alors, il y avait probablement une demande, et que un comédien prodigieux, il l'est toujours, se mettait à faire des cascades. Je peux dire que Gérard Lebovici a eu une influence énorme sur mon destin, puisque j'avais fait un film qui est sorti en 1968 et qui avait rencontré assez peu de spectateurs. Alain Resnais. Et un assez mauvais accueil. Archivina, 2004. De la presse. Donc, je me suis trouvé en 69 sans travail, en 70 sans travail, en 71 sans travail, et que j'ai commencé à croire que c'était vraiment terminé, quoi. Enfin, que plus aucune offre de producteur, rien. C'est là où Gérard Lebovici a refait des propositions. En effet, il est arrivé à m'imposer, on peut dire, comme metteur en scène sur un projet qui s'est appelé Stavisky, trois points. Oui. Sans lui, peut-être que j'aurais complètement été obligé d'arrêter de faire du cinéma. Pourquoi avait-il décidé, parce que je parle bien d'une décision, que je devais faire des films? Et puis là, il n'y avait pas à discuter, si on lui répondait, mais les films de Resnais sont très difficiles à comprendre pour les spectateurs, il a un public très restreint et tout ça. Il balayait ça de la main et d'un grommelot en même temps. Et puis, non, c'était décidé, et que le résultat soit une réussite ou un échec importait peu si le film lui plaisait, oui. Mais évidemment, il s'amusait aussi beaucoup. Je me souviens que pour un film de Jean Gruau, qui s'appelait « Mon oncle d'Amérique », je lui avais dit « Bon, ben alors pour les deux héros, j'ai choisi Nicole Garcia et Roger Pierre ». Enfin, il est vraiment parti d'un grand éclat de rire, et il a été déclaré un peu au bureau et à ses collaborateurs « Vous rendez compte ?» Je lui donne Delon et Adjani, et il me répond Roger Pierre et Nicole Garcia. Qu'est-ce que je peux faire? Mais il a immédiatement pris contact et m'a soutenu dans ce choix après. Eh bien, il me reste à te remercier pour ce sauvetage héroïque. Chacun veut reprendre son petit bateau et regagner le continent. Salut. Ce que je crois, c'est qu'il y avait chez Gérard Lebovici, tout ce qu'on dit est trop simple par rapport à la complexité du personnage, qui, je crois, était tout et son contraire, donc tout est vrai. Hein. D'un côté, il y avait un homme d'affaires redoutable, qui n'introduisait pas d'idéalisme dans son comportement quotidien. Alors, je crois qu'il y avait une sorte d'explication politique, philosophique, à savoir que la société, bon, on l'a compris plutôt en lisant Debord qu'en l'écoutant lui, à savoir que dans l'état de désespoir de la société, il fallait jouer avec, n'est-ce pas? Ça, il s'en privait pas. Et puis de l'autre, il y avait quelqu'un de passionné, parfois jusqu'à l'esprit d'enfance. Moi, je me souviens justement le film de Debord, vous savez, le fameux en latin, dont je n'arriverai pas à vous redire le titre là. Nous tournons dans la voilà. nuit. Voilà, qui m'avait obligé à voir assis à côté de lui. Lui, il le voyait à peu près une fois par jour. Et vraiment, je veux dire, j'avais trouvé ça long quand même. Guy Debord était séduisant. Guy Debord était un puits de culture. Toutes les années où Gérard Lebovici vendait des brosses et galérait, Guy Debord était entretenu par une famille riche et faisait des études. Donc, ils se sont rencontrés, l'homme qui était en train de faire sa culture de manière autodidacte, en adorant ça, et l'homme qui avait cette culture et qui était fasciné par le rayonnement de Gérard Lebovici. Donc ça a été honnêtement un coup de foudre croisé. Ils avaient le même âge, ils avaient beaucoup de goûts communs, ils adoraient Paris, ils adoraient discuter ensemble, ils adoraient prendre un bon verre de vin et plus s'il fallait, ensemble. Et donc il y avait entre eux une complicité intellectuelle et affective qui ne s'explique pas. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images. Je me rappelle avoir dit au début 74, là aussi à Gérard, écoute, moi j'ai connu Staline en grand. Gérard Guigan. Alors Staline en petit, ça me fait rire. Hein. Et ça, c'est au sujet du comportement de Guy Debord vis-à-vis des uns et des autres. C'est-à-dire que quand Cagliati est venu à Champs Libres, il se cachait presque, puisque désormais c'était un ennemi. C'était d'avoir édité la préface de Van Eggen. Je savais que je faisais volontairement un faux pas. Forcément, il ne disait pas non, il montait pas sur ses grands chevaux quand je lui disais des choses comme ça, Gérard Lebovici. Il n'était pas encore inféodé complètement, c'était pas un crime de lèse-majesté que de dire à propos de Debord, oui, bon, voilà, Debord, Staline. Alors l'origine du conflit, c'est la publication d'un roman de Gérard, qui s'appelle Les Irréguliers, dans lequel il y a un personnage qui évoque Debord d'une manière assez caricaturale et assez négative. Je pense que c'est ça, c'était le prétexte de la décision de Lebovici de se débarrasser de Gérard, de Guégan. Raphaël Saurin. Et alors, sur la fin de Champs Libres, en fait, il nous a convoqués tous. Il y avait Le Sceau, Guégan, Guyomard aussi, qui était une personne intéressante, un historien, et moi. Et en mettant Gérard en accusation, et Gérard dit, c'est-à-dire qu'il voulait le virer de Champs Libres. Et nous, on s'est même pas consulté, on a été unanime à dire, bon, si Gérard n'est plus là, on sera plus là non plus. On l'a laissé là, Lebovici, qui a eu d'ailleurs une réaction psychologique violente, puisqu'il a eu une crise de colique néphrétique, s'est retrouvé à l'hôpital, et on l'a laissé tomber à ce moment-là. Non. Non. Je voudrais vous parler. Je suis désolé, Madame Steiner, mais il faut absolument que je vous parle. Voilà. Je vais quitter le théâtre. J'abandonne mon rôle, enfin dans un mois, le temps que vous me trouviez un remplaçant. Bien sûr. Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Non. Non, non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Je ne sais même pas si nous vous chercherons un remplaçant. Parce que dans un mois, le théâtre sera peut-être fermé. De toute façon, je pense qu'on doit vous proposer un meilleur contrat ailleurs, chez Berthaud. Non, pas du tout. Pas du tout, je ne vais pas chez Berthaud ni ailleurs. Non, il y a simplement que j'abandonne provisoirement le théâtre pour la résistance. Donc le succès énorme du Dernier Métro, tous les gens qui jouent dans le Dernier Métro, c'est tous des gendarmes médias quand même. C'est quand même fou. Depardieu, Catherine Deneuve, Poiret, vous avez tout le monde. C'était marqué. Il y aurait eu un marqueur média en grand, ça aurait pas été autre chose. Et donc ça correspond à un moment d'intense succès avec des gens qu'il aimait. Donc c'était un épanouissement. Donc après, c'est juste après qu'il a été attaqué en 82. Nous avons été attaqués par le président du syndicat des producteurs de l'époque qui nous a demandé de ne plus avoir de société qui participe à la production des films. Ça a assez dégoûté Gérard Lebovici, qui a décidé à ce moment-là d'être producteur, distributeur chez 3A, artiste, auteur, associé. Il crée une société de distribution, de production, et il distribue des films qu'il coproduit aussi, souvent. La Balance, c'est un de ses premiers résultats. Le film de Francis Weber, aussi Les Compères, beaucoup de succès. Par la suite, Gérard Lebovici est reparti, je dirais pas de zéro, parce que, enfin, beaucoup de gens l'ont enterré à ce moment-là, si j'ose dire. Et il a d'ailleurs été malade, ça lui a fait un coup terrible de quitter Armédia. Il a vraiment été malade. Il est redémarré comme en 14. Il s'est retrouvé avec le succès de La Balance 6 mois après, et tout le monde a ses trousses pour travailler avec lui. Donc il a fait d'abord prudemment une société de distribution, puis ensuite il a organisé la production, et il était en train de créer un empire quand il a été assassiné. Mystérieux assassinat aujourd'hui à Paris. Gérard Lebovici a été découvert assassiné dans sa voiture dans un parking. C'était la première partie du mystère Lebovici, une vie à l'ombre des projecteurs, avec Marie-Christine de Montbrial, Jean-Louis Lévy, Gérard Guégan et Raphaël Saurin. Avec les extraits de l'émission Surpris par la nuit, Gérard Lebovici par Benoît Bourreau, diffusion le 18 février 2004 sur France Culture, et de l'émission Profil perdu, Gérard Lebovici par Cécile Hamzy, diffusion le 27 juillet 1995 sur France Culture. Archivina, Marie Decamp. Prise de son, Frédéric Kérou. Mixage, Claire Levasseur. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Annabelle Brouard. Oui, fin de cette première partie. La suite, c'est demain, dimanche 14 janvier, ce sera à 13h30. Mais d'abord, Antoine Guillot nous attend pour une séance de cinéma.